Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées sur les ondes du 100 FM à Toulon, Radioactive ou sur radio-active.net partout ailleurs dans le monde. Rendez-vous donc plutôt rock, comme je vous le disais habituellement. Vous connaissez, pour ceux qui suivent cette émission maintenant depuis 12 ans, qu'on a un thème presque à chaque fois, et ce thème, c'est un peu le retour cette semaine sur le rock indépendant des années 90, avec comme fleuron le magnifique Elastica, avec Justine, sa chanteuse, qui a défrayé la chronique à l'époque parce qu'elle sortait avec Damon Albarn, le chanteur de Blur. C'était un peu la Dream Team en fait du rock'n'roll des années 90. Et donc on va avoir une sélection qui nous ramène donc dans cette période. Certains peut-être ne l'auront pas connue. En tout cas moi c'était pas mon adolescence mais ma vie de jeune homme. Et on va retrouver donc plein de morceaux de cette époque. Et c'est parti pour plus de 2 heures et demie de Selecta. Allez, go! Bye. Chaumont s'arrête notamment sur le personnage d'Abba Kovner, chef des résistants du ghetto de Vilno et champion de la défense de l'honneur juif. C'est l'occasion de rappeler que s'il est bien l'inventeur de l'expression « comme des moutons à l'abattoir », appelé à jouer un rôle dévastateur après-guerre, la première occurrence de l'expression était un tract d'appel à la résistance dans le ghetto de Vilno. « N'allons pas comme des moutons à l'abattoir, frère. Mieux vaut tomber en combattant libre que de vivre à la merci de nos assassins. » Yeah. Pour accentuer sans doute la dichotomie entre morale de l'honneur et éthique de la survie, Chaumont a tendance à charger de manière excessive la population du ghetto de Vilno, qu'il décrit comme activement en lutte contre les partisans juifs issus de ses rangs, par souci de ne pas s'attirer de représailles supplémentaires de la part des nazis. Mais peut-on croire qu'une résistance collective plus déterminée au sacrifice suprême eût pu avoir le moindre succès face à la machine d'extermination génocidaire nazie ? Ou s'agit-il, en suivant Kovner, de regretter que, mort pour mort, les juifs des ghettos n'aient pas entrepris de se donner une mort plus honorable ? L'analyse néglige sans doute l'incrédulité, partagée alors jusqu'en 1942 quant au caractère intégralement exterminationniste du projet génocidaire nazi. Sur le moment, le pari sur le sauvetage par le travail et l'espoir qu'une petite partie de la population pourrait ainsi survivre a pu sembler justifier stratégiquement la résistance à l'héroïsme sacrificiel, et ce n'est qu'à posteriori, avec le savoir que donne le recul, que nous pouvons raisonner autrement. We'll be right back. davantage, c'est à ce moment-là qu'au cœur des ghettos sur le point d'être liquidés, s'esquisse in extremis, sur la base de la jurisprudence talmudique ancestrale, une intense réflexion éthique portant sur le statut de l'exception. Les principes de la morale ordinaire, celle qui prescrit de mourir plutôt que de tuer, s'appliquent-ils encore face au risque inédit d'extermination totale ? Dans le ghetto de Varsovie, le rabbin Nissenbaum juge ainsi nécessaire de renverser l'ordre des priorités morales au regard de l'extermination génocidaire en cours et de remplacer le commandement du martyr par celui de la survie. De tels prolongements n'entrent pas dans le cadre de ce livre, mais dès lors qu'il se penche sur cet exemple, il viendrait opportunément le compléter en prenant toute la mesure de ce que le passage à l'exception fait à la morale. What's on the other side? Our mother said we could be sister and brother. Your name is Deborah. Deborah. It never suited you. And they said that when we grew up, we'd get married and never split up. Oh, we never did it. Although I often thought of it. Oh, Deborah, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there 2 o'clock by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on my own. I'm at a time for lonely Thursday years ago. You're the first girl at school to get breasts, and Martin said that you were the best. Oh, the boys all loved you, but I was a mess. I had to watch and try and get you undressed. We were friends, that was as far as it went. I used to walk you home sometimes, but it meant, oh, it meant nothing to you. Cause you were so popular. Deborah, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Again. But Deborah, I just wanted you to know I remember every single thing. Deborah, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. But when I came round to call, you didn't notice me at all. And that's it, let's all meet up in the year 2000. Dans sa reconstitution de l'histoire des perceptions morales au sujet des rescapés des camps nazis, c'est surtout sur l'affaire Treblinka que Chaumont s'arrête longuement. Voyant dans la parution 1966 du livre de Steiner sur les Sonderkommandos de Treblinka, le moment pivot où une morale de la survie va commencer à s'affirmer de manière décomplexée en tournant le dos aux morales de l'honneur. Alors, sauver l'âme individuelle et aussi l'âme collective, mais comment ? Nietzsche terminait l'Antéchrist par sa célèbre loi contre le christianisme. Lorenz termine son commentaire de l'Apocalypse par une sorte de manifeste, ce qu'il appelle ailleurs une litanie d'exhortation. Cessez d'aimer. Opposer au jugement d'amour une décision que l'amour ne pourrait jamais vaincre. Arriver au point où l'on ne peut plus donner, pas plus que prendre, où l'on sait que l'on ne donnera plus rien. Le point d'Aaron ou de l'homme qui était mort, car le problème est passé ailleurs. Construire les rives où un flux peut couler, se disjoindre ou se conjuguer. Ne plus aimer, ne plus se donner, ne plus prendre. Sauver ainsi la part individuelle de soi-même. Car l'amour n'est pas la part individuelle, il n'est pas l'âme individuelle. Il est plutôt ce qui fait de l'âme individuelle un moi. Or, un moi, c'est quelque chose à donner ou à prendre, qui veut aimer ou être aimé. C'est une allégorie, une image, un sujet. Ce n'est pas une véritable relation. Le moi n'est pas une relation, c'est un reflet. C'est la petite lueur qui fait un sujet, la lueur de triomphe dans un œil. Le sale petit secret, dit parfois Lorenz. Adorateur du soleil, Lorenz dit pourtant que ce n'est pas la lueur du soleil sur l'herbe qui suffit à faire une relation. Is it hard to stop? L'erreur publicitaire, concentré pur de l'erreur capitaliste, c'est d'avoir pris le désir de marchandise pour le désir tout court. Puis d'avoir conclu que, sans la marchandise, le désir désertait le monde. Et la couleur, et la lumière avec. Avec un peu de recul, on n'en revient pas d'une escroquerie de cette magnitude. Tout dans la conjoncture présente, notamment dans les prises de rue, contredit ce mensonge énorme et dit la poussée du désir. De faire, de peindre, de graffer, d'écrire, de construire, de créer, mais cette fois pour de vrai, c'est-à-dire hors de la valeur d'échange, hors des commandements du capital. On pourrait dire d'ailleurs que telle est la prémisse quasi anthropologique et bien fondée de la proposition de Friot. Les individus humains désirent l'effectuation de leur puissance. Made. Should I start this with another cliche, or how does the story go? I've worn a mask every day you peek behind, now I wanna go. And the cards are stacked and the house is packed and I wanna go home. And the cards are stacked and the house is packed and I wanna go home. Everybody's got time. Everybody seems to have so much time. Everybody seems to have so much time, but I'm wasting mine. I swear to God, I'm the only fucker in this place who isn't doing fine, and I'm not fine. You're the introvert, the swapping goes. And the cards are stacked and the house is packed and I wanna go home. We've spoken every day for 8 years, what do I do when you're gone? And everybody's got time. Everybody seems to have so much time. Everybody seems to have so much time that I'm wasting mine. I swear to God, I'm the only fucker in this place who isn't. C'est peut-être un peu bête à dire, mais ça n'en est pas moins profond et vrai. Les individus humains veulent faire des choses. C'est la configuration particulière des structures sociales à une époque donnée qui contraint ce vouloir à se couler dans des formes préétablies et les puissances humaines à s'exercer de telle manière et pas de telle autre, le plus souvent de la manière qui correspond aux visées du groupe hégémonique et au service de ses intérêts. Mais qu'on libère les puissances individuelles de ces captures et elles ne s'en exerceront que davantage. Telle est la justification dernière du salaire à vie de Friot. Les gens feront des choses, et ces choses seront autant de contributions à la vie sociale. Oh, Ce qui est prenant dans le son d'un déchirement, c'est sa trajectoire. Un crescendo, subi, accompagné d'un léger glissando, un accélérando bref et un arrêt net et précis. Finalement, un peu comme un son à l'envers. We'll be right back. Alors pour commencer, les personnages. Une poète kurde et turque, un traducteur qui porte la parole, un poète en cellule, une femme qui accueille, un poète qui a trouvé refuge, un autre qui a fui la Syrie et un couple qui a attendu 8 ans.

you see me right, just look far enough inside to find the heart of everyone. The world never changes if you just sit back and watch it, and it's all come to nothing if you let it be. But you can fire bullets straight into the heartland, and it feels as real to me because you're doesn't go to sleep, cause it ain't safe out on the streets. And then they're kicking down your door. Fucking sh**. Because we're better off dying. Nous sommes 180 millions de francophones dans le monde. On parle français au Québec, à Robec, à Flobec, à Tahiti, à Haïti, au Burundi, au Togo, au Congo, à Bamako, à Madagascar, à Dakar, en Côte d'Ivoire, en Haute-Volta, à Brazza, en Rwanda, en Guyane, à la Guadeloupe, au Sénégal, à la Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Gabon, en Nouvelle-Calédonie, en Tunisie, au Liban, dans les Nouvelles-Hébrides, dans l'île de la Désirade, dans l'île de la Marie-Galante, dans l'île Maurice, au Cameroun, en France, à Jérôme-Pompe-Petit-Rosière, à Sorine-la-Longue, à Tourine-la-Grosse, à Gendrin-Gendrenouille, on parle français, à Pondichéry, dans les Indes, en Louisiane, à Matagne, dans les Fagnes, les Indiens, algonquins de l'État de New York parlent français, et les gros ventres du Montana également. Nous sommes en tout 180 millions de francophones dans le monde. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'y être wallons. Apple peas, it's so good. Apple peas. Apple peas, it's so good. Apple peas. Everybody in the band agrees we like it. And after 9 p.m.

Tell me, why did you stop? Say.